Je me réveillais quelques heures plus tard, tenaillé par une envie de pisser. Dehors, il faisait à peine jour, un ciel bas somnolait dans la grisaille, entre chiens et loups, la rue encore silencieuse. J'ouvris la porte qui nous séparait avec mille précautions, attentif au repos mérité d'un petit moineau défait privé de sommeil depuis 72 heures. La salle était vide. Le canapé avait été replié. La table débarrassée des cadavres de la veille. Je cherchais vainement un mot d'explication qu'elle aurait écrit à la va-vite sur un bout de papier. Seule la bouteille d'eau vidée de son contenu se dressait encore, près d'une lampe de chevet. Un indice plutôt mince, qui ne révélait pas autre chose que nous étions en symbiose parfaite. C'est elle qui buvait, mais c'est moi qui pissais. La pendule marquait 6h30. Il était trop tôt pour vaquer à mes occupations, lesquelles le matin consistaient à me gratter le menton tout en remuant une cuillère dans un bol de café noir. Et cela pouvait durer longtemps, jusqu'à ce que le café refroidît complètement et le menton devint rouge. J'allais me recoucher, me rendormis et fus réveillé par la sonnerie de l'interphone qui résonna dans l'appartement comme une sirène d'alarme. Ce pouvait être le facteur apportant une lettre recommandée, ou bien la police pour un crime pas encore prescrit. Hein. C'était elle. « Vous m'ouvrez, monsieur Campagne ?» Elle entra, tout sourire, les mains chargées de croissants chauds, qui sentait bon le légionnaire de la boulange. Alors nous avons fait du café noir bien fort, sans lait. Nous nous sommes installés à table, face à face, les yeux dans les yeux, mais surtout les miens. Et je crois que ce moment fut sans conteste le meilleur de ma vie. Ou alors c'était bien imité. Je peux le qualifier de moment, car il ne dura guère plus que la caresse du vent, un soir d'été. « Je vous ai pris un billet de 20 €, » me dit-elle. « Je vous le rendrai bientôt, quand j'aurai reçu ma pension. » Puis elle se lança aussitôt dans un long et tortueux exposé sur la façon dont Madame Fargeau, la responsable de l'accueil à la bibliothèque municipale, classait les volumes, par ordre alphabétique, quand il aurait fallu les classer par thème et aussi par époque. Il y avait une certaine cohérence dans ses paroles, mais aussi beaucoup d'inexactitude. Je lui fis remarquer que Madame Fargeau ne s'occupait pas du classement des livres, seulement des fiches en carton, et qu'avec un peu de patience, on arrivait toujours à trouver ce qu'on cherchait. « À ce propos, dis-je, vous avez pu dénicher celui de Virginie Despentes ?»« Rappelez-moi le titre, » ajoutai-je en rigolant. « C'est un titre assez violent, qui vous a perturbé, » répondit-elle quand je l'ai prononcé ici. « Et non, je n'ai pas encore déniché le livre. Il doit être très demandé, je suppose. Et je me fais rare à la bibliothèque en ce moment. » Elle m'expliqua longuement que si ses plages d'accès à la bibliothèque étaient rares et duraient peu, c'est parce qu'elles étaient liées à sa santé. Quand elle allait très mal, qu'elle souffrait d'une dépression chronique et profonde, elle restait enfermée, ne voulait voir personne et surtout pas les abonnés de la bibliothèque. Quand elle allait très bien, comme en ce moment, elle n'éprouvait pas le désir de fréquenter un lieu plongé dans une espèce de pénombre, envahi de silence, qui sentait le cuir et le papier. Elle voulait respirer à plein poumon, profiter de chaque minute, croiser des gens simples, bavards, buveurs et mangeurs, vivre à fond, tout simplement. « Mais alors, lui demandai-je, quand je vous ai rencontré la première fois et même la seconde, vous étiez comment ?»« Justement, j'étais dans cette phase courte et rare pendant laquelle je ne suis ni malade ni bien portante. C'est une sorte de no man's land dans lequel je ne suis pas vraiment au top, mais suffisamment bien pour garder le contact avec les gens. » Devant mon air interrogateur, elle précisa. « Imaginez un ascenseur qui ne dessert que 3 niveaux. Le sous-sol, c'est la déprime. » Le rez-de-chaussée, c'est le no man's land, et le premier étage correspond à la grande forme, celle que je tiens aujourd'hui. C'est assez simple, n'est-il pas? Non, ce n'était pas simple du tout. Là encore, on trouvait de la cohérence, mais en théorie seulement. Dans la pratique, il y avait l'attitude étrange de Madame Roberts, l'insomnie de 72 heures, le flamenco, et ce flot incessant de paroles qui semblait comme un prétexte pour ne pas entendre les bruits du monde. Cette apparente bonne santé ressemblait fort à une maladie qu'elle ne voulait pas voir, et je comprenais à présent l'explication à propos du petit immeuble où elle habitait. En ce moment, je loge au premier. Bien sûr, elle avait mis un double sens à son explication, pas pour moi, pour elle, pour se persuader peut-être de sa bonne santé. J'étais en grande perplexité, et je faisais tout pour ne pas le montrer. Nous avons passé une grande partie de la matinée ensemble, elle a parlé, moi à écouter. J'observais un phénomène bizarre, déjà entreaperçu la veille. Chaque fois que je m'éloignais à plus de 2 mètres, elle me suivait, sans arrêter de parler. Vers 10 heures, j'étais dans la salle de bain, sous la douche. J'entendais encore le son de sa voix, couvert par le bruit de l'eau qui tombait sur mes épaules. Autour de midi, elle décida de quitter l'appartement. Elle voulait passer chez elle, car elle attendait un courrier important. Et puis aussi, la livraison du frigo américain, distributeur de glaçons. « Et qu'est-ce que vous allez manger ? » demandai-je. « Ne vous en faites pas, je vais me débrouiller. »« D'accord. Mais si vous êtes dans la gêne ce soir, la table est ouverte. Évitez si possible de mordre dans une galette saucisse. Il y a des marchands susceptibles. » Je mis à profit son absence pour faire du ménage dans l'appartement. Je ne savais pas si elle reviendrait. Je l'espérais très fort. Sans en avoir conscience, j'étais déjà entraîné dans un engrenage, le bout des doigts seulement. Mais les dents étaient solides, elles ne lâcheraient pas le morceau facilement. Je me préparais quelque chose en cuisine que je mangeais sur le pouce. Tout en mastiquant mon frichti, je regardais dans le salon, là où elle avait dormi, à la recherche d'une trace, un machin qu'elle aurait oublié, que je pourrais sentir. C'était pas terrible comme idée, un peu animale, mais mieux que de lécher ses godasses. Il n'y avait rien à part la bouteille d'eau vide. Je sais que cela peut paraître dingue, mais à cet instant je me suis dit que si elle ne revenait pas, il n'y aurait aucune preuve de son passage ici, que ce serait comme si rien n'avait existé, comme au réveil après un rêve, et le constat me terrifia. J'allais m'installer à ma table d'écriture. Depuis quelques mois, je couvrais des pages de souvenirs anciens qui y partaient de l'enfance, sautaient parfois brusquement dans une autre génération, d'autres fois se mêlaient à une fiction un peu déjantée, histoire de pimenter la sauce. La veille, avant de rencontrer Madame Roberts dans la rue de la Soif, j'avais esquissé un bras de fer avec Michel Houellebecq dans un bordel de Pattaya. Le scénario me plaisait beaucoup. On y trouvait l'exotisme de l'Asie, la notoriété de mon adversaire et le suspense du combat. En quelques lignes rapides, j'expédiais l'auteur des particules au tapis, sous les applaudissements d'un groupe de filles pas farouches. Mais impossible d'en écrire plus long. J'avais épuisé tout mon potentiel imaginatif, et en tournant les pages déjà noircies, je compris qu'il me faudrait bien du temps et de la patience avant d'atteindre la grande œuvre. Ma tête était trop pleine de Madame Roberts pour accueillir quelque chose qui ne fût pas elle. Je quittai l'appartement sans savoir où aller. Dans le hall, Madame Brom me regarda d'un air en dessous et je lui répondis par un grand sourire. Maintenant il faisait beau et chaud, les rues fourmillaient de piétons. Je me dirigeai vers la bibliothèque municipale située à l'écart du centre-ville, entourée de jardins anciens. À l'entrée, Madame Fargeau, coincée derrière sa table, discutait avec une femme âgée. J'allais farfouiller dans les rayons où tout semblait figé par une chaleur pesante. Je revins vers Madame Fargeau qui était seule à présent. Elle paraissait contente de me voir, me fit remarquer tout sourire que mes passages étaient moins nombreux, situés en matinée, alors elle s'étonnait de me voir à cette heure. Me trouvant les mains vides, elle demanda « Et donc, vous n'avez pas déniché votre bonheur, monsieur Campagne ?» « Non, j'étais venu emprunter le livre de Virginie Despentes. Vous savez, baise-moi. »« Ah oui, un vilain titre, » répliqua-t-elle. « Mais il doit être bon, car il ne reste jamais plus d'une journée en rayon. » »« Je ne vous imaginais vraiment pas dans ce genre de littérature, monsieur Campagne. »« Moi non plus. » »« Je voulais le lire avant de l'acheter pour l'offrir à ma petite nièce qui a 8 ans, » dis-je en rigolant. Puis je quittai la bibliothèque et rentrai en ville. Mais ne voulant pas rester sur un échec, j'allai directement chez Favard, le libraire de la place du Clos, et acheter un exemplaire du livre de Virginie Despentes. Un peu plus tard, je vis que mes pas m'avaient entraîné dans la rue de la Soif, et ça ne pouvait pas être un hasard, non. J'étais venu délibérément rôder près du bar à matelots, là où Madame Robert s'était produite la veille. Pour une raison toute simple, sinon glorieuse, je voulais m'assurer qu'elle n'était pas de nouveau en équilibre sur une table bancale, au milieu d'un groupe de barbus assoiffés. Mais derrière la vitre du bistrot, Madame Roberts brillait par son absence, et je ne saurais dire si j'en fus rassuré ou déçu. C'était accidentel, me dis-je, une occasion de manger à sa faim. De l'opportunisme plus qu'autre chose, hein, elle me l'a dit. Aujourd'hui, la donne était différente. Elle savait qu'une table serait dressée au dernier étage d'un immeuble HLM, à 300 mètres de chez elle, et elle viendrait, non par opportunisme cette fois, mais plutôt pour me raconter sa journée. Me parler encore et encore du premier étage, son premier étage, un niveau bienfaisant, tout en délices, où personne ne pouvait l'atteindre, surtout pas un œdème de Quink. À moins qu'elle ne fût déjà repartie ailleurs, loin, en direction d'un pays mirobolant. On pouvait s'attendre à tout. Je suis entré dans le bistrot sans raison, ou juste pour être certain qu'elle ne s'y planquait pas au fond, dans la pénombre. Le patron me reconnut et me salua comme si j'étais un habitué. Je commandai à demi-pression. Il y avait beaucoup moins de monde qu'hier. Il était trop tôt, sans doute. Sur le billard, recouvert d'une bâche, un gars avait installé sa pêche lui. Il y avait beaucoup moins de monde qu'hier. Il était trop tôt, sans doute. Sur le billard, recouvert d'une bâche, un gars avait installé sa pêche du jour qu'il proposait à la vente. J'avais déjà connu ce mélange de genre à Paris, dans un troquet de la Bastille, où tu pouvais acheter le lundi du saucisson d'Auvergne et le jour suivant un opinel pour couper ton saucisson. Le gars, lui, vendait surtout des maquereaux, pêchés à la traîne et du calamar. Je fus tenté par le calamar. J'en achetai 2 kilos. Le gars m'expliqua comment les ouvrir, les nettoyer, puis les préparer. « Gardez un peu d'encre, me dit-il. Vous l'ajouterez à la sauce, ça lui donnera du goût. Si vous les faites ce soir, faudra les manger demain. C'est bien meilleur réchauffé. » Je repartis avec les calamars au bout du bras, le livre de Virginie Despentes dans la poche, et au cœur, la folle espérance de retrouver mon petit moineau devant l'immeuble. Elle m'attendait depuis 1 heure déjà, mais sans colère. En cuisine, nous serions 2 à préparer les calamars, et il ne serait pas question d'attendre jusqu'au lendemain pour les manger. Ben non alors. On allait se les torturer le soir même, les bestioles, avec du riz basmati et une bouteille de vin blanc qui éclairait nos regards. Je ne lui dirais pas que les calamars venaient du bistrot, où elle s'était donnée en spectacle, non, elle trouverait ça bizarre. Mais je lui raconterai mon passage à la bibliothèque municipale, Madame Fargeau, la reine des fiches en carton, le bouquin de Virginie Despentes, introuvable dans les rayons, et ensuite je lui offrirai le livre, acheté chez Favard, et je proposerai de lui en faire la lecture après le dîner. Ce soir-là, je fus seul en cuisine à préparer les calamars. Je suivis à la lettre les indications du pêcheur, mais au moment de passer à table, rien à faire, l'appétit s'était barré ailleurs. Pas la soif. Je me suis bu la boutanche de vin blanc et ensuite, à la table des représailles, j'ai rejoint Houellebecq qui avait quitté le bordel de Pattaya, furieux de sa défaite. Je l'ai rattrapé dans une rue sombre et lui enfoncé un couteau dans la gorge, au même endroit que celui qui avait tué mon pote Zizou. La tristesse me rendait méchant. Je dormis très mal cette nuit, me relevai 2 fois pour évacuer le vin blanc, mais aussi dans l'espoir de la trouver ici, attablée devant une assiette de calamar qu'elle aurait réchauffée. C'est bien meilleur réchauffé, qu'il avait dit le péchou. Mais comment aurait-elle réussi ce prodige sans les clés de l'appartement? Je me rendormis sur le matin, difficilement, et je fus réveillé comme la veille par la sonnerie de l'interphone. C'était elle. D'une petite voix enrouée, elle s'annonça, me demanda si j'avais déjà bu le café. Sinon, elle avait encore des croissants chauds. Je lui ouvris, lui dis de monter, que nous parlerions mieux des croissants devant eux, et que le café serait prêt dans 5 minutes. Elle entra.